morose comme ça. Tout va si vite, ne t'enferme pas dans ce monde-là. Plein de tracas, saute de ton lit, viens avec nous. Allez, ne t'inquiète pas, chaque jour depuis la nuit des temps. Si la terre tourne autour du soleil,